cherche ma place entre terre, ciel et eau. Je cherche ma place. Je cherche ma place entre rapaces et troupeaux. Je cherche ma place. Je cherche ma place. Je cherche ma place. Encore un verre, l'alcool me brûle. Le bruit me saoule, le jour recule. Dans cet aquarium qui est le mien, l'air y est comme rare et incertain. J'y tourne en rond depuis déjà un temps certain. Et mon sentiment profond est que je ne suis pas loin de toucher le fond. J'observe la foule qui gesticule, qui va, qui roule, qui vit sa vie, va somnambule. Encore un verre plus, un autre verre plus. Je médite et plus je me dilue. Mes vieux démons s'invitent. Je cherche ma place. Je cherche ma place. Je cherche ma place. Je cherche ma place. Encore un verre, l'air, l'amnésie, léger détour par la folie. J'oublie la peur, ce monde de fous, la ronde des oppresseurs. J'oublie ces gens jamais debout, leur regard vide me glace. Ils m'évitent, me jugent et passent. Je cherche ma place entre terre, ciel et eau. Je cherche ma place entre rapaces et troupeaux. Je cherche ma place, je cherche ma place. Un dernier verre, un verre de trop. Je roule à terre, n'entends plus ces mots de haine qui tombent en pluie de rage sur ces hommes de peine parcourant les trottoirs de la vie sans partage. Ne vois plus ces femmes pleurer leur gêne pour nourrir l'enfant en bas âge. J'oublie la foule, maudit l'enfer qui va, qui roule, qui vit sa vie sur la terre.